En Corée, l'école secondaire de cycle supérieur de Tongdaewon de l'arrondissement du même nom de la ville de Pyongyang accorde un grand intérêt à l'enseignement de la danse et des instruments de musique nationaux. L'école donne aux élèves les connaissances profondes de l'origine historique des danses et instruments de musique propres à la nation coréenne, du processus de son développement, de ses méthodes et techniques d'une part, et d'autre part, intensifie l'enseignement sur la danse à chapon, danse nationale et le kwayagum, instrument de musique nationale. Rappelons que l'école occupe la première place à l'échelle nationale dans la discipline de danse à chapon et a joué un rôle important dans divers spectacles, notamment le mouvement d'ensemble et la représentation artistique Arirang. Les élèves de cette école interprètent à merveille Kwayagum dans diverses représentations artistiques, notamment le réveillon annuel.